maya na mesa dapat ki sit sit mueli mesa dapat ki sit sit gazi cha mesa dapat ki sit tusha samata mesa dapat ki sit sit wen cha mesa dapat ki sit fuck no sisis mesa dapat ki mesa dapat ki mesa dapat ki tapa blessé si ce qu'on voulait vous mentir écoute une deuxième fois le rap en mode ralenti le thème c'est mesa pas la famille ne faut pas nos origines c'est doux parle pas du mal de nos pays le célestité d'or ou ta walker night peut-être elle de mort on représente nos maziwa dans le respect dans la joie mouelingazicha zouani mayana ils disent trop de mal trop de choses qui font mal et puis demain ciao ciao ils se font tous la mal on dirait que des maziwa pour se la rouler douce en gazicha mais fort tous ces gens là mais fort tous ces regards y'a trop de blabla écoute moi stop là regarde au fond de toi et imagine nos pères grands nos mères grands des maziwa sont nos descendants relativise et réalise qui je vise mon flow est en crise mesa dato kiwas rinatse na istil hey mesa dato nisha beka icho kir hey babas haraka renga beki sijifa baka utusuma na wasira himona eh uta ufanya non kwa ele wa basi nisi haleza tambo za wajimaza na watu warongo wa amba kaza wapasa nisi wafa marongo zero na ngizi wanafika sinte sinte msuwani mesa dato ki sinte sinte mayana mesa Merveille un monde français pour ceux qui n'avaient pas bien capté le maori en mode Azmani wari me mwiru wa vuli natafashur Ata wajima za warungomba kakazaki Faut pas tester les 4 c'est le comorien Même si t'es pas d'accord, toi aussi t'es comorien Nous allons de l'or, alors mec t'as tort Et quand tu en veux encore, je t'en donnerai du hardcore J'en place une pour le refrain de Moroni à Mamoudzou Et une pour le refrain de Fomboni à Msamoudou Pas besoin de me présenter mon flow tu le connais Toi qui pars mal pour rien dire Renseigne-toi sur l'histoire de nos ancêtres Descendants des îles sultans Batailleurs, je vogue ton secteur Viens pas tester les îles Comores Tellement je te vogue avec mon flow Si tu pars mal des cités d'or Justement, bienvenue aux cités d'or Encore une fois nous vous voilà Sur la scène comme d'hab avec un rappeur Massiwa Ciao dame mes carros mawa malabé Et qu'on c'est mon ami La tourna bourra ou stoppé Ni kouwabi ya wana amba wa siri na estil Tu peux pas tester les quatre îles Comme l'a dit alias Wasi wa jaouri na oujouz Komoria mariana ensemble une exil Si t'es sur ton souani Mesa dato ki Si t'es sur ton mariana Mesa dato ki Si t'es sur ton mouili Mesa dato ki Mesa dato ki, si tu touches à sa mortale Mesa dato ki, si tu es sur ton wenka Mesa dato ki, si tu fuck un narcissiste Mesa dato ki, Mesa dato ki, Mesa dato ki Mesa dato ki Mesa dato ki Mesa dato ki Mesa dato ki, si tu touches à sa mortale Mesa dato ki, si tu es sur ton wenka Mesa dato ki, si tu fuck un narcissiste Mesa dato ki, Mesa dato ki, Mesa dato ki, Mesa dato ki.